Au sport, le 17 décembre. Dans la Ligue de hockey Sarontaine juvénile, Louis-Saint-Laurent reçoit Collège Claretien à l'Aréna Robert-Fournier dès 16 h.